toutes et à tous, ici Lia. Je suis ravie de te retrouver pour partager ces prochaines minutes bonheur avec toi. Tu peux me retrouver tous les mardis à 8h et 13h30. Et oui, une nouvelle année a commencé. Et avant de s'y lancer à cœur perdu, un retour sur le récit des 12 derniers mois s'impose naturellement. Qu'as-tu accompli? Quelles sont tes joies, tes regrets? Pourquoi faire un bilan de fin d'année? Un bilan met en évidence tout ce qui a été réalisé durant une année, même les petites choses. Cela permet de valoriser le temps passé. C'est une prise de conscience de ton évolution d'une année sur l'autre au travers de nouvelles réalisations ou de nouvelles façons d'être. Cela te permet d'intégrer l'espace-temps en faisant la différence entre ce qui a été réalisé et ce qui était initialement prévu, le temps de matérialisation. Lorsque tes prévisions de départ s'avèrent un peu trop optimistes quant à la durée de concrétisation, tu peux ajuster tes plans, revoir tes prévisions et surtout ne pas te décourager. Un bilan te permet également de mettre en lumière les opportunités ou freins qui ont influencé ton état de bien-être afin de pouvoir privilégier à l'avenir ce qui est bénéfique pour toi. Comment réaliser son bilan? Commence par lister les objectifs que tu t'étais fixés en début d'année, comme arrêter de fumer, avoir davantage de temps pour toi, changer de poste pour progresser, monter une association pour un partage de talents, intégrer un réseau, déménager pour plus d'espace, etc. Identifie tes réalisations et savoure ton parcours. La prise de conscience de tout ce que tu as réalisé durant une année qui a contribué à ton bien-être, la satisfaction d'avoir réussi certains projets, d'avoir dépassé tes peurs, te permet de cultiver la confiance en toi et renforce ton bien-être. Observe les objectifs que tu n'as pas pu mener à bien durant l'année, ni même démarrer, et tente d'identifier les raisons. Le manque de temps, de moyens, des peurs, des imprévus. Il se peut tout simplement que ton énergie ait été mobilisée sur un projet précis tout au long de l'année et que tu aies été contraint de différer les autres. Fais appel à ton intuition pour identifier les objectifs qu'il est important pour toi de poursuivre et ceux que tu peux laisser derrière toi. Libère ta créativité et réaffirme ton potentiel. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu réaliser un projet dans le passé que cela est encore vrai au présent. Ce sont parfois tes croyances ou tes pensées qu'il est nécessaire de changer ou agir différemment pour arriver à réaliser ce qui te tient à cœur. Libère ta créativité et réaffirme ton potentiel. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu réaliser un projet dans le passé que cela est encore vrai à présent. Ce sont parfois tes croyances ou tes pensées qu'il est nécessaire de changer ou agir différemment pour arriver à réaliser ce qui te tient à cœur. L'état de santé et de bien-être sont liés à la capacité de te réaliser. Or, c'est parfois l'idée même de la complexité ou du jugement qui te freine. Installe-toi en position assise, les yeux fermés. Détends toutes les parties de ton corps, de la tête jusqu'aux pieds, visage, cou, nuque, épaules, bras, thorax, ventre, bassin, jambes, pieds. Prends conscience de ton corps relâché. Commence par lister mentalement tout ce que tu avais prévu de faire en lien avec ton bien-être en 2019. Ne force pas, laisse venir. Au niveau familial, professionnel, personnel. Liste ensuite tes réalisations en 2019 en lien avec ton bien-être. Un voyage, de nouvelles rencontres, la pratique d'un sport, une nouvelle façon d'être, plus affirmé, plus confiant. Pour t'aider, tu peux découper cet exercice mois par mois. Liste mentalement, les yeux fermés pour un mois les réalisations, puis note-les dans un cahier à proximité. Renouvelle l'exercice pour les 12 mois. Prends conscience ensuite des changements opérés que tu pourrais avoir envie de poursuivre et complète-le par de nouveaux objectifs pour 2020. Ce bilan te permet de faire le point, de réaffirmer tes souhaits, tes envies, ce qui te fait du bien. Et puisqu'il n'est jamais trop tard pour cheminer vers ton bien-être, commence dès à présent à le mettre en pratique. À la lumière de cette introspection, peut-être auras-tu le réflexe de t'imposer de sempiternelles résolutions du nouvel an. Et si tu transformais cette étape? Et si les fameuses résolutions devenaient de simples intentions? Quand on y pense, une résolution ne serait-elle pas contraignante, alors qu'une intention plus malléable, plus douce? Voici quelques intentions bien-être que tu pourrais explorer. T'accorder un moment de détente chaque jour. Définis des objectifs atteignables, 10, 15 ou 20 minutes par jour, sine qua non, où tu ne penses qu'à toi. Yoga, méditation, lecture ou marche en solo, qu'importe, ce moment est à toi. Et si tu apprenais à méditer? Méditer permet de te concentrer et d'apaiser ton esprit. Au fil du temps, tu finiras par atteindre un niveau de conscience et de calme. Le point fort de cette pratique, c'est que tu peux méditer n'importe où et à n'importe quel moment. Quand ta journée devient écrasante et stressante, fais une pause de quelques minutes qui te permettra d'accéder à un sentiment de tranquillité et de paix intérieure. Tu peux suivre quelques cours de méditation afin d'apprendre les bases ou faire quelques recherches sur le net qui t'aideront. De mon côté, j'écoute tous les soirs au coucher les méditations guidées de Jonathan Lehman. Et si tu commençais à être plus optimiste? Supposer le pire peut avoir des conséquences désastreuses dans ton comportement et dans ta vie. Mettre en avant les points négatifs peut te faire manquer des opportunités ou ne pas prendre des mesures proactives pour réaliser une meilleure situation. De nombreuses études ont montré que les personnes qui sont très pessimistes ont tendance à se vautrer dans l'apitoiement et dans des situations négatives qui sont plus susceptibles de conduire à des maladies chroniques plus tard dans la vie. Et si tu devenais en 2020 optimiste, cherche la lumière au bout du tunnel, et si tu changeais ta vision du monde? Commence à vivre dans l'instant présent. Et si tu laissais les valises du passé derrière toi? Fais une rupture avec tes regrets d'autrefois et lance-toi pour cette nouvelle année. Commence une nouvelle liste, profite de ta journée et vis l'instant présent. Harvard, psychologue et auteur de Mindfulness, Ellen Langer dit « Quand les gens ne sont pas dans l'instant, ils ne sont pas là pour savoir qu'ils ne sont pas là. » Évite de t'inquiéter pour l'avenir et savoure le présent. Apprends à te déconnecter. Combien de fois as-tu vérifié tes emails, SMS sur ton téléphone? Prends-tu ton ordinateur portable ou ton mobile au lit avec toi? Combien de tes heures éveillées ont été dépensées? Être accro aux écrans peut provoquer une stimulation excessive, anxiété et stress. Les gens sont souvent en mode rapide à répondre, ce qui compromet leur capacité à se calmer et à se détendre. Crois en ton intuition, car elle existe et tout commence par là. Nous avons pris l'habitude de répéter que la logique est notre seul guide. Mais il est aussi important de te laisser guider par ton intuition. Ce flair te permet de saisir de belles opportunités, d'oser faire des choses qui te sortent de tes actions habituelles et aussi d'éviter parfois des situations embarrassantes. Sois dans la gratitude chaque jour. Tous les matins au réveil, je te conseille d'énumérer 10 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. À ton corps, l'air frais qui vient rafraîchir ta maison et tes poumons, tes pieds qui t'emmènent là où tu désires aller, pour le temps que tu passes avec un proche ou le soleil qui se lève le matin. N'oublie pas de dire pourquoi tu es reconnaissant et de dire merci. Et si tu t'émerveillais de chaque chose que Gaïa nous offre? La forêt que tu traverses, ce ciel magnifique en fin de journée, ou la lune dans le ciel. Il est temps de profiter de cette nature incroyable et de se laisser émerveiller à chaque instant. Bien entendu, j'aurais pu t'énumérer des dizaines d'inspirations, mais je m'arrêterai là aujourd'hui pour que tu puisses trouver tes propres envies et intentions pour 2020. Je te souhaite une très belle journée, je t'embrasse et te dis à mardi prochain.